Développez vos compétences. Compréhension de l'oral. Une journée bien remplie. Comprendre un message sur un répondeur. Exercice 1. Bonjour Stéphane, c'est Paul Petit à l'appareil, le directeur de Portable pour tous à Bordeaux. Je dois parler de toute urgence avec votre directeur Henri Bernard. C'est à propos du nouveau modèle de téléphone portable. Pourriez-vous nous organiser un rendez-vous téléphonique dans la journée ? Vous pouvez me joindre au bureau au 05 56 22 13 42 toute la matinée ou sur mon portable au 06 22 13 48 19 cet après-midi. J'attends votre appel. Merci.